Le vendredi 3 février, ici Dominique Lelièvre et les informations. Des milliers de personnes sont attendues au Centre des congrès de Québec pour rendre un dernier hommage aux victimes de l'attentat de dimanche. La cérémonie commence à l'instant avec un discours de l'imam Hassan Guillet, porte-parole du Conseil des imams du Québec. Doit suivre la prière habituelle du vendredi, puis la prière funéraire à la mémoire d'Ibrima Bari Mamadou Tanou Bari et d'Azedine Soufiane, trois des 6 victimes. Plusieurs dignitaires sont sur place, dont les premiers ministres Philippe Couillard et Justin Trudeau. L'événement se déroule sous haute surveillance, mais le service de police de Québec a tenu à lancer un message rassurant ce matin, estimant que la ville de Québec demeurait très sécuritaire et invitant la population à participer en grand nombre, non seulement à la cérémonie, mais également aux nombreuses activités prévues en fin de semaine dans le cadre du Carnaval de Québec. Le défilé de nuit de Charlebourg aura lieu comme prévu demain 19h et la programmation régulière dans le secteur du Parlement et de la Grande Allée suit son cours. Rappelons également que dimanche, au Bal Saint-Louis du port de Québec, se tiennent les finales de la traditionnelle course en canot. Le député de Laurier-Dorion, Jerry Sklavounos, demeure exclu du caucus libéral et ce jusqu'à nouvel ordre. Le premier ministre Philippe Couillard a laissé entendre que son retour serait conditionnel au soutien de la population. Il a souligné que sur le plan légal, son ancien leader parlementaire adjoint n'avait plus rien à se reprocher. Cependant, il a rappelé qu'en plus de la plainte d'Alice Paquette, d'autres femmes lui ont reproché publiquement d'avoir un comportement inapproprié. Enfin, les audiences publiques sur l'étude environnementale du projet d'agrandissement du port de Québec se sont conclues hier soir. Des dizaines de citoyens ont exprimé à nouveau leurs préoccupations sur la qualité de l'air et de l'eau, le transbordement de pétrole, mais aussi les activités de loisirs à la baie de Beauport. Les experts du gouvernement se retirent maintenant pour statuer sur l'étude présentée par le port de Québec et à la lumière des commentaires du public. Une autre vague de consultations publiques est prévue lorsque l'Agence canadienne dévoilera son rapport. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est une alternance de soleil et de nuages aujourd'hui qu'on nous prévoit avec 30% de probabilité d'averse de neige. Les vents sont de 20 km/h et on atteint un maximum de moins 13 aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, 30% de probabilité d'averse de neige également. Demain samedi, c'est nuageux avec moins 12 degrés comme maximum et dimanche, de la neige, moins 6 degrés.